Iman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. À la veille de la célébration de la Journée mondiale de la vue, la Société burundaise d'ophtalmologie a organisé ce jeudi un premier congrès d'ophtalmologie en collaboration avec le ministère de la Santé publique et révèle que 35 000 Burundais souffrent de la cécité alors que 113 000 sont malvoyants selon une enquête de 2010. Et le ministère de la Santé a opéré une rafle en mairie de Bujumbura où des lunettes contrefaites ont été retirées des boutiques optiques. Vous suivrez un reportage de ce journal. Et les associations des victimes des différentes crises qu'a connues le Burundi s'accordent sur les bienfaits de la prolongation du mandat de la Commission Vérité et Réconciliation et demandent au gouvernement du Burundi d'assainir ses relations diplomatiques avec ses partenaires étrangers pour que cette commission puisse d'une part avoir les moyens suffisants et d'autre part intégrer des experts onusiens. Et dans la chronique judiciaire, vous aurez des éclairages sur la détention préventive qui est une exception à la loi qui exige la liberté. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. On commence par cette réaction de Faustin Ndikumana qui dit que la mise en place de la cellule de renseignement financier serait l'une des solutions pour rapatrier les devises issues du secteur minier. Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parole et Action pour le Réveil et le Changement des Mentalités, PARSEM, demande la systématisation de la déclaration des biens des autorités pour éviter les transactions illicites qui s'observent. Faustin Ndikumana le dit après la déclaration du deuxième vice-président qui a dit que plus de 80% des devises en provenance des exportations de l'or ne sont pas rapatriées dans le pays. Suivez Faustin Ndikumana. D'abord, c'est le guetal pour un pays où le taux de couverture des importations par les exportations est en dessous de 20%. Nous avons promis qu'il doit arrêter des devises. Le café ne parvient plus à augmenter la production. Le tourisme aussi. L'investissement direct est en baisse. Maintenant, avec le problème des ONG, vous voyez. Et surtout que dans même les années antérieures, dans les études que j'ai consultées, même le montant des exportations nous permettait à couvrir à peine l'importation des produits pétroliers. Alors, il y a des statistiques. Il y a des mises en consommation en douane. Il y a la berbe qui doit suivre. Il y a les droits de sortie de ces minéraux. Pourquoi alors? On a créé depuis longtemps. Si le deuxième vice-président dit qu'on s'attendait en 2017 à 45 millions de dollars, on a récolté 16 millions. Maintenant, on s'attendait à 33 millions. On est à 13 millions. Aussi, tout en mettant en situation, on devait me dépasser 33 millions si on analyse les statistiques qu'on a fait antérieurement. On est en situation de créer les mesures qui doivent être prises sont assez claires et simples. On a créé depuis longtemps. Il faut mettre sur pied la série nationale des renseignements financiers qui doit contrôler toutes les transactions. C'est dignité. Où est cet argent? Cet argent trouvé dans les dignités ici sur place. Systématiser la déclaration des biens. La loi demande aux dignités, président de la République, vice-président, les ministres, les gouverneurs, les hauts dignitaires dans la police, dans l'armée, tous doivent déclarer. Les responsables des administrations, personnalités des entreprises publiques, tous ceux-là doivent déclarer bien avant d'entrer dans les fonctions et après. Et comme ça, on va évaluer cet enrichissement illicite. Un enrichissement illicite et qui reste impuni dans un contexte actuel. Ce sont les deux mesures. On doit lui avertir que le peuple est fatigué de ce comportement. Les Burundais sont fatigués de ce comportement où une poignée d'hommes continue à piller sans vergogne les deniers publics dans un contexte de paupérisation. Et nous observons. Faustin Ndikumana, président de l'organisation PARSEM. Une autorisation d'exploitation encore valable et ne pas dépasser 30 mètres de profondeur, opérée sur le terrain d'un hectare et tel que convenu avec le ministère de l'Énergie et Mines. Voilà quelques-uns de ces documents que les coopératives doivent présenter pour rouvrir. Les précisions sont du ministre de l'Énergie et des Mines. Ce mercredi, lors d'une rencontre en Gosie avec les représentants des coopératives de l'administration et de la justice et des corps de défense et de sécurité de la région du nord du Burundi, le ministre Komanila Kiza a fait la descente après la déclaration du Conseil national de sécurité qui a ordonné la suspension pour une période d'un mois, celui du mois en cours, de toute activité des coopératives opérant dans le secteur minier. Suivez. Il s'agit notamment d'abord d'avoir une autorisation qui est encore valable. Deuxièmement, avoir présenté l'autorisation délivrée par le ministère au niveau de l'administration provinciale et communale. Troisièmement, c'est suivre le processus de réhabilitation des sites. au niveau de la loi, au niveau même du décret, au niveau du secteur minier, on montre justement que l'exigence de la réhabilitation des sites est de rigueur. Quatrièmement, c'est de pouvoir vérifier que telle ou telle autre coopérative n'a pas dépassé les limites. Parce que normalement, au niveau de l'autorisation, le site est bien délimité parce que le site doit avoir au maximum, c'est juste 1 hectare. Pour le quatrième critère, c'est de n'avoir pas dépassé le cinquième critère, une profondeur de 30 mètres au niveau de l'exploitation. Parce que au-delà de cette profondeur, ce sont ces accidents dont on entend chaque fois qu'il y a des agents qui sont au niveau de ces exploitations qui ont péri justement en profondeur parce qu'on dépasse la profondeur qui est normalement délimitée par la réglementation et à la fin, ce sont ces mauvaises informations en rapport avec les gens qui périssent qui nous parviennent. Septièmement, c'est avoir tenu un registre au niveau de chaque site d'exploitation où on doit chaque fois écrire la quantité qui provient de cette exploitation. C'était le ministre en charge des mines et la sensibilisation des représentants des coopératives des mines et carrières s'effectue également dans la région Est et Centre ce jeudi. Région Sud, pour la région Sud, c'est ce vendredi et la région Ouest est programmée pour la semaine prochaine. Ne pas se faire soigner chez les ophtalmologues qualifiés quand on a des problèmes de vision, c'est très dangereux pour la santé. Cette mise en garde est du ministre de la Santé ce mercredi lors d'une rafle qu'il a effectuée en collaboration avec la police municipale dans les boutiques optiques qui travaillent en dehors de la loi. Dr Tadende Koumana précise qu'en commun accord avec l'administration municipale, ils vont dissuader ces charlatans. Il appelle ceux qui ont ce problème de vision de s'adresser au centre optique reconnu par la loi. Reportage Jean-Marie Vianney Ndikoumana. C'est le ministre de la Santé publique, accompagné par des agents de sécurité lors de la rafle menée dans les magasins d'optique illégaux. Dr Tadende Koumana précise que cette activité vise à constater l'état de traitement optique à mairie de Bujumbura. En collaboration avec la mairie de Bujumbura, nous avons arrêté des mesures de faire des visites pour voir les soi-disant opticiens qui trompent la population. Selon le ministre de la Santé publique, se faire soigner aux ophtalmologues non qualifiés aggrave la maladie chez les patients. Le malade qui s'adresse à cette boutique croit avoir eu des verres collectés alors qu'il n'en est rien et la pathologie s'accentue au lieu de diminuer. Donc, en commun accord avec la mairie de Bujumbura, nous allons poursuivre ces descentes pour dissuader ceux qui trompent l'administration en disant « nous avons une boutique de vente de mentir alors que derrière se cache le trafic ». De faux et usage de faux. Tadende Koumana appelle les gens qui ont des problèmes oculaires de se faire soigner dans les centres optiques reconnus par la loi. Et l'appel que nous lançons à la population, c'est d'éviter de recourir à de telles boutiques. Parce que normalement, le ministère de la Santé collabore avec les spécialistes dans le domaine de la pathologie oculaire, où nous avons des ophtalmologues qui sont dans des cliniques connues, mais aussi des opticiens qui ont des centres optiques reconnus par le ministère de la Santé. La situation se présente ainsi au moment où le 12 octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la vie. Jean-Marie Vianney Ngendakoumana et 35 000 Burundais souffrent de la cécité et 113 000 sont malvoyants selon les enquêtes de 2010. C'est ce qu'a révélé Dr Lévi Kandeke, ophtalmologue, ce jeudi lors du premier congrès d'ophtalmologie organisé par le ministère de la Santé publique en collaboration avec la Société burundaise de l'ophtalmologie et à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la vue. Il explique que certaines maladies de l'œil sont évitables et guérissables. Suivez Dr Lévi Kandeke. Les maladies oculaires, pour ce qui concerne le Burundi, il y a eu une enquête de prévalence qui a été faite au nord du pays, dans les provinces de Kayanza et Ngozi, qui ont montré que la prévalence au niveau général de la population est de 0,3% et la prévalence de la cécité pour les personnes de 50 ans et plus est de 1,1%. Ceci regroupe une population de 35 000 personnes qui sont aveugles au Burundi et 113 000 de personnes malvoyantes. Ils sont sont aveugles ou malvoyants pour des causes essentiellement évitables à 80%. Et la cause principale, c'est la cataracte. Il y a bien sûr d'autres causes beaucoup moins importantes, comme le glaucome, la rétinopathie diabétique, les erreurs de réfraction, etc. Au Burundi, le principal problème auquel nous faisons face pour lutter contre la cécité, c'est avant tout avoir des équipements nécessaires au niveau des hôpitaux publics à l'intérieur du pays et les consommables. Ensuite, c'est essayer de trouver les moyens, parce que la plupart des gens qui sont aveugles de cataracte sont souvent des gens qui sont pauvres. Il faut absolument trouver les moyens pour payer les soins. Les maladies sont évitables à 80%. Les curables, c'est notamment la cataracte ou les erreurs de réfraction. Vous savez, on a beaucoup, par exemple, dans les écoles, hein, des enfants qui n'arrivent pas à suivre en cours juste parce qu'ils ont des problèmes de vision liés à la myopie, liés à l'hypermétropie, etc. La plus importante chez nous, c'est la déficience en vitamine A, qui est souvent lié à un problème de nutrition. Donc, on doit absolument soit encourager la nutrition correcte de la population ou faire une supplémentation à vitamine A, parce que depuis l'introduction de la supplémentation à vitamine A, on voit que la prévalence de la cécité a sensiblement diminué au Burundi. Docteur Lévi Ikandeke, et un accident mortel s'est produit à Gitaza vers 18h de ce mercredi en commune Muhuta de la province Rumonge. La police fait un bilan de 3 morts sur le champ et 10 blessés, dont 7 gravement. Ils ont été évacués sur l'hôpital de Kabezi et 3 autres au centre de santé de la place. Également dans l'actualité, après les recommandations de ce mercredi du Parlement burundais sur la prolongation du mandat de la Commission Vérité et Réconciliation, l'Association des victimes des crimes du passé AMPC Girubuno salue cette initiative. Aloïse Batungwanayo, président de cette association, trouve toutefois que la CVR a encore besoin de moyens financiers et d'experts en la matière. Il demande au Burundi d'assainir les relations qu'il entretient avec d'autres pays pour que la vérité sur le passé soit connue. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Eddy Nibel Nibigira. L'appréciation est bonne. Elle est bonne parce que nous l'avions dit depuis le début des travaux de cette commission en 2015. Lorsque la loi a été votée, c'était en 2014. Nous l'avions déjà dit parce que nous voyions que la tâche qui était confiée à cette émission était vraiment une tâche lourde, mais également une tâche qui allait s'accomplir dans un contexte qui n'est pas du tout favorable. Et nous, aujourd'hui, que le législateur d'aujourd'hui se rend compte qu'il faut prolonger non seulement le mandat de la Commission Vérité et Réconciliation, mais également la durée de cette commission. Pour nous, ce n'est qu'une satisfaction, mais il faut que les conditions soient assainies pour que les tâches qui seront confiées à la commission future aboutissent. Quels sont les problèmes qui s'ensuivraient une fois la période de travail étendue? Si la période de travail est étendue, le premier problème, ce serait le manque d'experts, le manque d'expertise. Parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien que la commission Vérité et Réconciliation, composée de 11 membres, sont des 11 membres qui ont des compétences qui ne sont pas requises par la commission Vérité et Réconciliation. Qu'est-ce que je vais dire par là? La commission Vérité et Réconciliation a besoin des compétences en anthropologie, a besoin des compétences en historiographie, en ethnographie, en histoire, en sciences politiques, en sociologie, beaucoup de domaines. Aloïse Batungwanayo, sentiment de satisfaction également au sein de l'association ACG Génocide Chirimoso par rapport à cette demande de prolongation du mandat de la CVR. Terence Mouchano, vice-président de la dite association, exhorte le Burundi à chercher les frais de fonctionnement de cette commission et surtout assainir les relations diplomatiques avec ses partenaires financiers. Il considère que les ressources humaines de la CVR devraient être augmentées par des experts onusiens. Effectivement, il y a une nécessité de prolonger le travail de la commission Vérité-Réconciliation parce que la mission qui est accordée à cette commission est une tâche noble. La vérité doit éclater au grand jour et le peuple doit être réconcilié. En ce moment, la prolongation est indispensable, mais il peut y avoir un problème causé par l'échéance. Si on commence par la colonisation allemande, ça peut ont toujours enclenché l'impunité. Le non-respect des accords d'Arusha, dont le signataire s'était convenu, va être aussi entaché d'irrégularité. S'il y a nécessité, si le Parlement souhaite que l'enquête commence depuis la colonisation allemande jusqu'en 2008, à ces génocides de Chérimossa demande que ce soit prolongé jusqu'à nos jours. Il faut qu'il y ait une extension jusqu'à ce que les crimes soient abolis au Burundi. Cette extension de la période de travail, quels sont les problèmes qu'elle pourrait causer? Les défis à relever de cette période, c'est-à-dire que même les témoins oculaires de ce crime de génocide, des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, risque de disparaître avant qu'ils ne mettent pas au grand jour les auteurs de ces crimes. Il y a aussi un manque de la mise en place du tribunal spécial pour le Burundi, voire même nous souhaitons qu'il y ait un tribunal pénal pour le Burundi. Dans le rapport provisoire que la CVR a soumis au Parlement, parle de manque de moyens financiers. C'est avec certitude que la CVR ne pouvait pas avoir de moyens financiers. Le gouvernement du Burundi devrait coopérer avec les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, dans cette activité, dans cette mission de la CVR. L'Organisation des Nations Unies doit être inclus dans la commission vérité pour qu'elle puisse contribuer financièrement et donner son expertise. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Les femmes burundaises connaissent une représentation significative dans différentes institutions du pays. Vestine Mbundagu, une des femmes leaders sur le terrain politique burundais, a reconnu cette avancée ce mercredi lors d'une conférence sur le leadership féminin organisée par la représentation de l'Union européenne. Elle donne les exemples des femmes ayant intégré l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. On l'écoute. Nous avons une représentation des femmes à différents niveaux, du fait qu'au niveau de certaines institutions comme le Parlement et au niveau du gouvernement, c'est réduit par la Constitution par un minima de 30% des femmes. Raison pour laquelle au niveau du Sénat, nous avons une place non négligeable avec représentation plus de 41% des femmes au niveau du Sénat. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une représentation de 36,4% de femmes. Mais au niveau du gouvernement, il y a une rechute, c'est aux environs de 27%. Au départ, on en avait 30%, mais le nombre s'est réduit. Vestine Mbundagu, du sport, c'est un honneur pour le Burundi de voir Fleury Nihozeko, le judoka burundais, décrocher ce mercredi une médaille de bronze lors des Jeux olympiques qui se déroulent à Buenos Aires, en Argentine. D'après le président de la Fédération burundaise de judo, cette médaille vient confirmer que le judo est à une avancée significative au Burundi. Valérie Manirakiza. C'est vraiment une joie, c'est une grande joie pour le Burundi, pour tous les sportifs burundais et pour les judokas. C'est un grand honneur. Je voudrais ajouter que le fait d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques de la jeunesse, ce n'est qu'une confirmation de sa médaille d'or, la médaille d'or que Fleury avait eue au championnat d'Afrique cadet junior qui s'était déroulé ici à Bujumbura au mois de mai. Donc le judo du Burundi vient de marquer un pas supplémentaire au niveau international. Ça honore le pays, c'est un grand pas pour le judo du Burundi. Le fait d'avoir une médaille de bronze, ça veut dire que l'athlète burundais est monté sur le podium. Ça fait connaître le Burundi. J'imagine bien le pays comme l'Argentine. Les gens ne connaissent pas où se trouve le Burundi. Maintenant qu'il est au podium, mais c'est où le Burundi? Donc vous voyez que c'est le sport qui devient un grand ambassadeur de notre pays. Et c'est aussi une grande consécration pour le judo burundais, parce qu'au niveau international, à la Fédération internationale de judo, les gens sont convaincus que au Burundi, on fait du bon travail et ça évolue. Et ça évolue positivement. On a déjà eu notre médaille d'or au niveau du championnat d'Afrique cadet junior. Maintenant, c'est une médaille de bronze aux Jeux olympiques. Ce n'est qu'une consécration, ce n'est que vraiment un honneur pour le Burundi. Radio Isanganiro, chronique justice. Un inculpé peut être mis en détention préventive dans le strict respect de sa liberté, la détention étant une exception. Le directeur du Centre de formation professionnelle de la justice, qui rappelle cette disposition légale, indique que le procureur de la République place l'inculpé sous mandat d'arrêt dans un délai ne dépassant pas 15 jours afin de le présenter au juge. Édouard Minani précise qu'une personne ne peut être mise en état de détention préventive que pour une infraction réprimée d'au moins une année de servitude pénale, comme prévu par le Code de procédure pénale. Les détails, c'est dans cette chronique judiciaire signée Alain Désiré Boukayenèze. Lorsqu'il existe contre un inculpé des indices suffisants de culpabilité et que les faits qui lui sont reprochés paraissent constituer une infraction, que la loi réprime d'une peine d'au moins une année de servitude pénale, la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans le but de préserver notamment la conservation des preuves. Les explications sont dites directeur du Centre de formation professionnelle de la justice. Lorsque le ministère public veut conserver les preuves, indices matériels ou empêchés, soit une pression sur les témoins et les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés, coauteurs et complices. Deuxième condition, c'est qu'il faut préserver l'ordre public des troubles actuels causés par l'infraction. Aussi, il faut mettre fin à l'infraction pour prévenir son renouvellement. Il y a aussi pour garantir le maintien de l'inculpé à disposition de la justice. Si au moins une des conditions est remplie, l'inculpé peut être mis en détention préventive. Édouard Minani précise que la compétence est attribuée au procureur de la République qui délivre un mandat d'arrêt, quitte à saisir le juge dans un délai ne dépassant pas 15 jours. L'officier du ministère public, le procureur ou ses substituts, procureur général ou ses substituts généraux, ce sont eux qui procèdent à la détention préventive en délivrant des mandats d'arrêt. Et cette détention préventive est une mesure qui est contrôlée par le juge et il doit le présenter en délai 15 jours. Un collège de 3 juges statue sur la détention préventive de l'inculpé en délai de 48 heures, à moins que le concerné ne sollicite un délai supplémentaire ne dépassant pas 3 jours pour assurer la défense de sa cause. Le juge alors, lorsqu'il siège, il doit se prononcer le plus rapidement possible, 48 heures. Il doit délivrer l'ordonnance de mise en détention préventive ou l'ordonnance de liberté provisoire. Lorsque le ministère public ou le juge ne respecte pas les délais, il est sanctionné, mais ce sont des sanctions disciplinaires. L'ordonnance du juge de mise en détention préventive est valable pour 30 jours. Cette ordonnance a une validité de 30 jours, en dehors desquels le ministère public peut fixer le dossier sur le fond ou bien peut requérir encore une fois la détention préventive pour complément d'enquête, complément d'instruction. À l'expiration de ce délai, la détention préventive peut être prorogée par décision motivée, mais elle ne peut être prolongée indéfiniment. Lorsque la personne inculpée est poursuivie une infraction punissable de moins de 5 ans, on ne peut pas détenir quelqu'un préventivement au-delà d'une année. Mais lorsque les faits reprochés à l'inculpé paraissent constituer une infraction punissable de plus de 5 ans de servitude pénale, eh bien, on ne peut pas procéder à la détention préventive au-delà de 3 ans. Après ce délai, l'autorité hiérarchique du magistrat en charge du dossier ordonne la libération immédiate du prévenu, et cela à la diligence soit de l'intéressé, soit du responsable de l'établissement pénitentiaire. L'inculpé en détention préventive peut être mis en liberté provisoire, ce qui fera objet de la prochaine chronique. Merci Alain Désiré Boukayenèze, c'est sur cette chronique judiciaire que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Benoît Morichonzi pour la mise en onde de micro. Jean Bosco Douimana a passé un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.